Aujourd'hui, à Assemblage Rocky, Simon Fitzbay nous raconte un autre mythe du rock'n'roll dans sa chronique Paul is Dead. Aussi, ne manquez pas, on reçoit un mime en entrevue téléphonique. Ah, j'ai hâte de voir... Non, d'entendre... Non. Ah, finalement... Assemblage Rocky, mercredi, 15h.